C'est pas facile, c'est pas facile à synchroniser un truc. Impossible. Tu vois, ça s'est décalé déjà. J'essaie de synchroniser. Putain, c'est combien ça? Ouais, c'est du MP3, mais putain, c'est dur. Putain, ils ont bien calé le truc. Je suis à 110. Là, ouais, BPM, je vais aller voir ça. Putain, pourtant, moi j'ai un tap tempo. Je suis à 111. Putain, ils auraient pu le marquer à combien ils ont fait. Bon, c'est gratuit. Non, c'est vite casse-couille. J'arrive pas. Le clic était bon et après ça se décale. Je vais essayer avec une autre pour voir. Je vais essayer avec une autre. Merde, j'ai perdu là. Mais je vais essayer avec une autre séquence pour voir. Putain, ils disent pas.